Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. De la justice. Explication. Nous considérons la justice en elle-même, dans ses parties, dans le don qui lui correspond et dans les préceptes qui la concernent. Notion sur le droit, sur la justice, sur l'injustice, sur les jugements, voilà pour la justice considérée en elle-même. Les parties subjectives sont la justice distributive et la justice commutative, qui oblige à restituer, si l'on a fait tort. Le vice opposé à la justice distributive est l'acception de personne. Les vices opposés à la justice commutative sont, contre la personne du prochain, l'homicide, et la mutilation, contre ses biens, le vol. On blesse ensuite la justice commutative dans les jugements, et hors des jugements. Enfin, la justice réprouve la fraude, et l'usure. De là, nous passons aux parties intégrantes, et aux vertus unies à la justice. Question 57. De la justice en elle-même, et d'abord du droit. Que, le droit, objet de la justice, se divise en droit naturel et en droit positif. En quoi le droit des gens se distingue du droit naturel, le droit paternel et le droit du maître? 1. Le droit est-il l'objet de la justice? Le mot latin jus, que nous traduisons par le mot droit, est dérivé de justum, qui signifie le juste. Or le juste est l'objet de la vertu de la justice. Le philosophe dit très bien, tous les hommes appellent justice l'habitude qui nous porte à opérer des choses justes. Tandis que les autres vertus nous perfectionnent en ce qui nous est propre, la vertu de la justice a pour fonction de nous mettre dans un bon rapport avec les autres hommes. Comme son nom même le donne à entendre, elle consiste dans cette sorte d'égalité qui nous fait dire communément que deux choses sont justes quand elles sont bien égalisées. Car ce qui est appelé juste dans nos actions répond par une sorte d'égalité au droit d'un autre, ce qui a lieu, par exemple, quand on donne la récompense due pour un travail accompli. Aussi la rectitude des actes de justice se prend d'un autre être, et non des dispositions de l'agent. Tout cela prouve que la justice, de préférence aux autres vertus, a pour objet le juste, c'est-à-dire le droit. 2. Convient-il de diviser le droit en droit naturel et en droit positif? Le droit ou le juste consiste dans l'égalité d'une chose avec une autre. Parfois la nature elle-même détermine cette égalité, comme quand on donne un objet pareil à celui que l'on reçoit, et c'est ce qu'on appelle le droit naturel. D'autres fois cette égalité résulte, soit d'une convention particulière entre personnes privées qui se déclarent satisfaites moyennant telle condition, soit d'une convention publique, lorsque le peuple ou le souverain qui le personnifie consent à tenir telle chose pour égale à telle autre, voilà le droit positif ou légal. Il convient donc de diviser le droit en droit naturel et en droit positif. Note. Le droit divin est celui qui est promulgué par l'autorité même de Dieu. Il se compose, en partie, des choses naturellement justes, mais dont la justice échappe aux hommes, et, en partie, de celles qui deviennent justes par l'institution divine. On peut aussi le diviser en droit naturel et en droit positif, comme le droit humain lui-même, car il y a, dans la loi divine, des choses commandées, parce qu'elles sont bonnes, et des choses défendues, parce qu'elles sont mauvaises. Il y a de même des choses bonnes, parce qu'elles sont commandées, des choses mauvaises, parce qu'elles sont défendues. Fin de la note. 3. Le droit des gens est-il le même que le droit naturel? Il y a une différence entre le droit des gens et le droit naturel. Le droit naturel, fondé sur le rapport absolu des êtres, par exemple, sur le rapport du père et de l'enfant, nous est commun avec tous les êtres animés. Le droit des gens s'en distingue en ce qu'ils considèrent les choses au point de vue des conséquences qui ressortent de leur nature. Tel champ, par exemple, considéré absolument, n'a rien en soi qui le détermine à appartenir à tel homme plutôt qu'à tel autre, mais, si on l'envisage relativement aux soins qu'exige sa nature et à la jouissance spécifique que l'on en doit avoir pour le cultiver, il y a une raison pour qu'il soit à l'un plutôt qu'à l'autre. Or la raison, qui est propre à l'homme, est nécessaire pour juger les conséquences de la nature des choses. De là vient que le droit appelé droit des gens nous est propre, à l'exclusion des animaux. Ce que la raison naturelle a établi entre tous les hommes, disait le jurisconsulte Caius, ce qui est observé par toutes les nations, constitue le droit des gens. Note. Les nations n'ont pas eu besoin de s'assembler pour établir ce droit d'un commun accord, la raison naturelle a suffi pour enseigner la justice des choses qui lui appartiennent. Fin de la note. 4. Doit-on distinguer spécialement le droit paternel et le droit du maître? Le juste ou le droit se dit d'une chose qui se mesure sur une autre, mais si le mot « autre » suppose parfois d'une manière simple et absolue l'égalité de deux personnes indépendantes l'une de l'autre, il peut aussi être entendu de deux hommes qui font en quelque sorte partie l'un de l'autre, par exemple, d'un père et de son fils, ou d'un serviteur par rapport à son maître. Lorsque l'on parle du père et du fils, du maître et du serviteur, comme on ne désigne plus deux individualités simplement distinctes, le droit qui existe entre eux n'est pas le droit proprement dit, mais un certain droit appelé le droit paternel et le droit du maître. Il convient de distinguer ces deux sortes de droits. Note. Bien que la femme soit quelque chose du mari, elle en est cependant plus distincte que le fils ne l'est du père ou le serviteur du maître. Car le mariage est une sorte de vie sociale. Il en résulte qu'entre l'homme et la femme, le juste proprement dit règne d'une manière plus stricte qu'entre le père et l'enfant, le maître et le serviteur. Immédiatement unis pour la communauté domestique, l'un et l'autre sont réglés dans leur rapport par un droit que le philosophe appelle le droit économique. Quand on parle du droit militaire, du droit de la magistrature, du droit sacerdotal, etc., on veut faire entendre qu'il est dû quelque chose à la condition des personnes, suivant leurs emplois divers dans la société. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.